放的比较松一点。 Isolé dans la jungle de Birman, emprisonnant sortira toujours à temps. Tel aventurier solitaire, Bob Moran est le roi de la terre. Favori.